dans notre belle ville de Nice, veille sûr que quand ça va pas super, le gouvernement du monde appelle, quand il n'a pas été capable de trouver quelqu'un d'autre, quand il ne reste vraiment plus aucun espoir, les pitomanes des amis qui se sont réunis pour combattre le mal. Les pitomanes, au grand mépris de leur vie, affrontent les ennuis, les êtres les plus immondes. Les pitomanes, vous allez peut-être nous quitter, dans nos cœurs resterez les pitomanes. Maintenant et à jamais, pour toute l'éternité, pour nous nos préférés. Il y a mes amis putois, Chimou, Tchetraouli, mon petit Benjamin. Il y a aussi, tu vois, la jolie Morrigane, Kyo et puis Néo, qui chante avec moi. Les pitomanes des amis qui se sont réunis pour combattre le mal. Les pitomanes, au grand mépris de leur vie, affronte les ennuis, les êtres les plus immondes. Les pitomanes, vous allez peut-être nous quitter, dans nos cœurs resterez les pitomanes. Maintenant et à jamais, pour toute l'éternité, pour nous nos préférés. Pitomanes, oui c'est vous, pour toute l'éternité, pour nous nos préférés.